sommeil. Le claquement sec des néons brutal réveil. Le rituel de l'appel. Des Anaïs et des Kevin à l'appel. Première L. Pédagogue blues. Tant de neurones dans 50 mètres carrés. Quel potentiel, je frémis, rien que d'y penser. Stimuler l'activité. Ma situation déclenchante tombe à plat. Bla bla bla. Pédagogue blues. J'ouvre toute grande les vannes de la connaissance. Réforme, humanisme, renaissance. Martin Luther, poil au derrière. De l'élève au programme, quel décalage. Et j'enrage, pédagogue blues. Récréation, je cherche un peu de réconfort. Pipi, café, le niveau baisse, ça va pas fort. Dans mon casier, tous ces papiers. Il faut que je lutte contre le racisme, l'obésité, la cigarette, le cannabis, les incivilités. Je donnerai à chacun sa chance. Entre mes mains, la jeunesse de France. C'est moi le comptable de ses rêves. Ça fait beaucoup si je faisais grève. Je crie, je sue, je postillonne. Leurs yeux torves attendent que ça sonne. Classe après classe, je fais des passes. Dévoué corps et âme à l'instruction des masses. Rien ne passe. Pédagogue blues. Non, rien ne passe. Pédagogue blues. J'attends que ça passe, pédagogue blues. Non, non, rien ne passe.